soit qu'au paradiso je dansais pour une tribu d'Hidalgo éméchée. J'aperçois tout à coup près des bars un homme qui me sourit sous sa moustache noire. Et moi troublé, je souris aussi. Je m'avance lentement. Écartant la foule des soulards. Et comme pour finir mon numéro, je chante poupoupide, je l'allume du regard et l'embrasse sur la joue. Changer contre un peu d'espoir.